Marie, une petite femme de rien du tout, qui m'appelait son cœur et portait mon bonheur autour du cou. Marie, je me souviens de tout, quand tu séchais mes pleurs, quand tu calmais mon cœur sur tes genoux. Marie ma belle, femme toute seule et un enfant, personne ne nous parlait. Je n'oublierai jamais la peur des gens dans ces corridors silencieux où les maisons s'opposent, où les fenêtres closes cachaient leurs yeux. Marie ma belle, et de n'être à personne les rendait fous. Marie, une petite femme sans importance, qui m'a appris l'amour et donné pour toujours ma différence. Marie ma belle,